Le premier ministre coréen Park Bong-joo a inspecté le complexe d'automobiles Sungni. Il a fait le tour de divers endroits du complexe pour s'enquérir en détail de l'état de production. À la réunion consultative tenue sur place, ont été prises des mesures pour la production en série des camions de type nouveau. Par ailleurs, il a inspecté également la fabrique de moteurs de Suncheon et la fabrique de chaussettes de Pyongyang. Il y a discuté les mesures pour achever davantage le processus de production en série des moteurs de tracteurs de type nouveau et améliorer la qualité des chaussettes conformément au goût et à la demande de la population.